scientifiques actuels dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, l'émission de Paul Sarès, Le Progrès et la Vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Virginie Mourtet. Le pont de la Pentecôte a-t-il tué mai 68? Voici les tout derniers événements de mai, chronique de mai. Mai, Paris, mai. Paris. Chronique de mai. Mai, Paris, mai, Paris. Une série de Dominique Chagnelot, réalisée par Jean-Jacques Vierre. Mai, Paris, mai, Paris. Septième et dernière émission, Le Reflux, avec Roland Castro, Pierre Chaunu, Michel Jobert, Georges Segui, Jacques Sauvageau, René Raymond, Henri Weber, Pierre Lefranc, Jacques Rémy, Alain Crivine, Romain Goupil, Pierre-André Taguieff, Henriette Asseo, Jacques Tarnero, et les voix de André Malraux, Serge Julie, Charles de Gaulle, Alain Gesmard, Édouard Balladur, Bernard-Henri Lévy, Daniel Cohn-Bendit. Françaises, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités sans exception qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. J'ai pris mes résolutions. Roland Castro. Point. Après, je ne sais plus ce qu'il y a dans le discours. Si je garde machin, je la pompille. Bon, j'ai pris mes résolutions. La boîte d'air comprimé se remet, s'en met au boulot. Et donc, on a eu ce temps dilaté. Et on a été... on n'a pas fini d'interroger ce temps dilaté, puisque moi, je crois que c'est un immense moment de vacances. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Je ne démissionnerai pas. Je ne démissionnerai pas. Pierre Chaunu. C'était fini, c'était gagné. Bon, ce simple mot, si vous voulez, les gens attendaient, c'était le contre-choc. Parce que de toute façon, le 30 mai, ils en avaient marre, tous. Hein. Tous en avaient marre, ça avait cessé d'amuser par tout le monde. Mais on savait très bien que ce jour-là, c'était gagné. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre, dont la valeur, la solidité, la capacité mérite l'hommage de tous. Il me proposera les changements qui lui paraîtront utiles dans la composition du gouvernement. Le général voulait faire un référendum. Michel Jobert. Et Georges Pompidou en voyait bien les dangers. Et ce qu'il souhaitait, lui, c'est que l'on occupât le plus vite possible la classe politique, dans chacune de ses petites composantes, chaque député, par une campagne électorale. Donc, il était pour des élections législatives. Alors, c'était un grand débat théorique, mais le général ne s'est pas, n'a pas longuement argumenté avec son premier ministre sur ce point. De ce que j'en sais, le général avait son texte devant lui, le texte de son appel radio, et il a simplement rayé le mot référendum et il a mis élection législative. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. J'ai proposé au pays un référendum qui donnait aux citoyens l'occasion de prescrire une réforme profonde de notre économie et de notre université, et en même temps de dire s'ils me gardaient leur confiance ou non, par la seule voie acceptable, celle de la démocratie. Je constate que la situation actuelle empêche matériellement qu'il y soit procédé. C'est pourquoi j'en diffère la date. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution, à moins qu'on entende bâillonner le peuple français tout entier en l'empêchant de s'exprimer, en même temps qu'on l'empêche de vivre, par les mêmes moyens qu'on empêche les étudiants d'étudier, les enseignants d'enseigner, les travailleurs de travailler. Il connaissait bien la CGT et ses militants, car nous avons, avec lui et ses semblables, partagé de grandes responsabilités. Georges Séguy. Quand notre pays était occupé par les Hitlériens. Et même moi, personnellement, je suis un résistant qui a partagé des responsabilités avec beaucoup d'amis gaullistes, avec lesquels, d'ailleurs, pour un certain nombre d'entre eux, je me suis retrouvé dans les camps de concentration nazis. Et gaullistes et communistes, croyez-moi, à cette époque, se connaissaient parfaitement bien et ne se sont pas oubliés, ne s'étaient pas oubliés en 1968. Au niveau de la conscience des responsabilités, nous savions les uns et les autres à quoi nous en tenir. Voilà pourquoi il m'étonnerait fort que De Gaulle ait pu croire à un moment donné que nous aurions été assez déments pour nous départir de cet esprit de responsabilité qu'il avait eu souvent l'occasion de vérifier. Ces moyens, ce sont l'intimidation, l'intoxication et la tyrannie exercées par des groupes organisés de longue main en conséquence et par un parti qui est une entreprise totalitaire, même s'il a déjà des rivaux à cet égard. Le Parti communiste s'est trouvé très marginalisé par Jacques Sauvageau. Il s'est trouvé assez marginalisé de par le fait qu'il n'était pas porteur de perspectives pour le mouvement et aussi parce que lui-même se marginalisait et se méfiait du mouvement. Je crois qu'à partir d'un moment, pour lui, ce qui était important, c'était que le mouvement s'arrête, quel que soit le prix à en payer. Et ça, il l'a fait principalement par le relais de la CGT, qui a réussi à faire rentrer, dans un certain nombre de cas, on peut dire presque de force, les travailleurs dans les entreprises, en s'y reprenant plusieurs fois et en réussissant finalement à obtenir la reprise du travail. Je crois que le Parti communiste avait peur que ce qui se passe aujourd'hui se passe à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il soit remis en question en tant qu'appareil, en tant que force politique. La principale force de la gauche à l'époque, le Parti communiste et la CGT, était terrifiée par ce mouvement. Henri Weber. Elle ne l'avait pas déclenché, elle ne le contrôlait pas. C'est des gens qui n'ont pas l'habitude d'avoir en face d'eux un immense mouvement social qui leur échappe radicalement. Et ils ne souhaitaient qu'une chose, c'est que justement ce vaste fleuve retourne dans son lit. Et ceux qui voulaient pousser le mouvement plus loin, les divers groupes gauchistes et une masse d'étudiants radicalisés, cela était trop faible pour mettre en avant des perspectives politiques fiables. Donc c'est un mouvement qui était profondément démuni de toute perspective politique crédible. Et à partir du moment où le surveillant général a sifflé la fin de la récréation, énergiquement et cette fois-ci de façon adéquate, eh bien les Français ont compris que c'en était fini et qu'on allait retourner à la normale. Si donc cette situation de force se maintient, je devrais, pour maintenir la République, prendre conformément à la Constitution, d'autre voie que le scrutin immédiat du pays. Et on aurait bien voulu comploter, on complotait que dalle. On était totalement complotés par la situation. On était, nous, complotés, on n'était pas du tout comploteurs. On aurait bien voulu comploter, mais il n'y avait aucun complot, évidemment. En tout cas, partout et tout de suite, il faut que s'organise l'action civique. Cela doit se faire pour aider le gouvernement d'abord, puis localement les préfets, devenus ou redevenus commissaires de la République, dans leur tâche qui consiste à assurer autant que possible l'existence de la population et à empêcher la subversion à tout moment et en tout lieu. Et on avait deux camps face à face paralysés. Alain Krivine. Et c'est là où De Gaulle est venu au bon moment. Le Parti communiste ne pouvait pas plus disposer de ses cocktails Molotov que le gouvernement de ses chars. André Malraux. L'un et l'autre dépendaient de l'opinion. Sans elle, pas d'insurrection, mais plus d'État. Et les dés étaient jetés. Le Parti communiste, qui depuis longtemps parlait de participation à un pouvoir d'union démocratique, déclarait la veille de l'intervention du général « Le peuple de France exige que dans le régime nouveau, la classe ouvrière et son parti communiste aient toute leur place, toute la place. » Le général, qui avait à peine parlé de l'Algérie dans le discours du putsch, par la guerre des étudiants. Une fois encore, il parlait aux Français au nom du salut public. À partir de cette minute, le général de Gaulle devenait garant de la consultation populaire des nouvelles élections. La Ve République mettait à l'épreuve ses institutions fondamentales. Fini la comédie, même insurrectionnelle, la France elle-même allait fixer son destin. La France, en effet, est menacée de dictature. On veut la contraindre à se résigner à un pouvoir qui s'imposerait dans le désespoir national, lequel pouvoir serait alors évidemment essentiellement celui du vainqueur, c'est-à-dire celui du communisme totalitaire. Naturellement, on le colorerait pour commencer d'une apparence trompeuse, en utilisant l'ambition et la haine de politiciens au rancard, après quoi ces personnages ne pèseraient pas plus que leur poids, qui ne serait pas lourd. Eh bien non, la République n'abdiquera pas. Le ton du discours déjà nous a renseigné, et en plus, bien sûr, la force. Jacques Rémy. Ce que disait De Gaulle, et là il n'était plus du tout à côté de la plaque. Il était en plein dedans et on sentait qu'il allait combattre et on a senti vraiment, et là c'est pas une reconstruction, on a vraiment senti que ça avait basculé et qu'on était perdant dans ce combat-là. Le peuple se ressaisira, le progrès, l'indépendance et la paix l'emporteront avec la liberté. Vive la République! Vive la France! On a senti qu'effectivement c'était la fin, dans la mesure puisqu'il leur proposait concrètement dissolution de l'Assemblée nationale, de nouvelles élections. Donc, procédé complètement démocratique. Mais dans la mesure où ce processus électoral se faisait dans le cadre d'une interruption du mouvement et d'une reprise du travail, on savait qu'à ce moment-là, c'était la fin. Il y a eu ce discours de Gaulle et la réponse qui a été donnée tout de suite par les organisations politiques, qui, sur le champ, ont répondu, d'accord, y compris en ce qui nous concerne, le PSU, moi j'ai tout à fait ce souvenir, on avait entendu l'allocution, le discours de Gaulle à la radio, on a fait notre communiqué de réponse à l'UNEF, ensuite on s'est rendu au siège du PSU, Et en se rendant au siège du PSU, on a découvert la position du PSU, qui était l'acceptation des élections, du jeu électoral, avec tout ce qu'il impliquait. Et le PSU étant dans ce qu'on pouvait considérer une organisation entre guillemets traditionnelle, à ce moment-là, enfin non groupusculaire étant la plus ouverte, celle qui avait le plus participé au mouvement, là les choses étaient claires. La voix que nous venons d'entendre, elle vient de loin dans notre histoire. François Mitterrand. C'est la voix du 18 Brumaire, c'est la voix du 2 décembre, c'est la voix du 13 mai. C'est celle qui annonce la marche d'un pouvoir minoritaire et insolent contre le peuple. C'est celle de la dictature. Cette voix, le peuple la fera taire. Il imposera la liberté. Républicains, unissez-vous. Vive la République. Suivant le quai, on ne voit pas la place de la Concorde. Pierre Lefranc. Le quai, de ce côté-ci de la Seine, rive gauche, est en contrebas par rapport à la place de la Concorde. Donc on ne voyait pas la place de la Concorde. Et nous ne l'avons pas vue avant d'arriver au milieu du pont de la Concorde. Parce que le pont est en dos d'âne. Et subitement, on ne savait pas ce qu'on allait voir. On ne sait pas si on allait voir 1000, 2000 personnes. On s'était même dit, mais qu'est-ce qu'on va faire si on est 2000 personnes? On ne va pas se monter aux Champs-Élysées, c'est ridicule, 2000 personnes sur les Champs-Élysées. Alors on avait décidé de tourner en rond, place de la Concorde, et d'essayer de faire du mouvement là en tournant en rond autour de la place. Et puis quand nous sommes arrivés au sommet du pont, on a vu la place de la Concorde était noire de monde. Les Champs-Élysées étaient noires de monde. Alors l'émotion a été très grande pour nous on a pensé qu'on avait gagné la partie. Monsieur le ministre, quel est pour vous le sens de cette manifestation ? Un grand journaliste a écrit récemment, hier ou avant-hier, De Gaulle seul. Nous en faisons la démonstration. Et Monsieur Michel Debray qui vient de répondre, Monsieur Malraux. Monsieur Malraux. Monsieur Malraux pense comme moi. Et Maurice Schumann aussi. De Gaulle est seul, vous le voyez. You say you want a revolution. Well, you know. Tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be all right? All right. You say you got a real solution. Jacques Tarnero. Je ne sais pas si c'est le discours de Gaulle, je crois que ça a été aussi le retour de l'essence. Il y a eu un truc astucieux là. Et puis qu'on pédale dans la choucroute depuis un certain temps, parce qu'il y a eu le Pompidou a réouvert la Sorbonne, que ça s'essouffle. Ça s'essouffle et il commence à avoir un certain nombre d'éléments qui révèlent l'espèce d'érosion interne, qui sont, par exemple, le fait, moi je sais que ça m'énerve beaucoup, ça me choque, le fait qu'il y a un usage de haschich assez important, par exemple au sein du... Et qu'on est ailleurs, il n'y a plus du tout de capacité de mobilisation. Il y a une fatigue en même temps. Il n'y a plus de capacité à... La volonté de lutte collective se dilue. Et je sais que dans les derniers moments, il y a par exemple au sein du mouvement du 22 mars des problèmes liés à l'argent qu'on pouvait avoir. Il y avait eu beaucoup d'argent. Et je me souviens très bien de Jean-Pierre Duteuil disant « Eh bien l'argent, on le brûle ». Et j'étais tout à fait d'accord qu'il fallait brûler cet argent, que c'était un élément de corruption interne. Et je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'argent. Enfin, il y a eu un certain nombre de choses qui se sont apparentées à une dissolution, mais y compris de la capacité morale et politique à continuer le mouvement. Ça s'est terminé, après beaucoup d'héroïsme verbal, par le fait que l'on est tombé sur le week-end de la Pentecôte. Michel Jobert. Et qu'il fallait partir en week-end, justement. C'est vous dire la gravité de cette crise. Le pont de la Pentecôte a tué mai 68. Bon, je caricature, bien entendu. Alors certains ont dit que nous avions empêché les pompes d'être approvisionnées pendant toute cette période et que nous les avons réapprovisionnées. Ce n'est pas vrai, car alors ça, c'était moi au jour le jour. Je savais très bien comment ça se passait. Les dépôts d'essence, où il y avait d'essence, étaient bloqués par des grévistes, bien, qui ne voulaient pas que les camions sortent, et les camions réservoirs, et qui ont été d'accord pour que ces camions sortent à la veille de la Pentecôte, car il ne fallait pas être impopulaire. Mais ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement n'allait pas dire « Ah non, vous empêchiez les camions de sortir, vous allez continuer à les empêcher de sortir. » Ce n'était pas le rôle du gouvernement. Et en effet, miraculeusement, l'essence est revenue à... je ne sais plus quel jour c'était, le vendredi vers 4 heures de l'après-midi. Et moi, je savais par ma réunion du matin, où je m'occupais de tout cela, les approvisionnements notamment, que nous allions vers la libération des dépôts. Comme un enfant s'est installé sur mon dos et c'est très lourd à porter un enfant tout un été sans cigare avec des hiboux ensoleillés. Comme les enfants du mois de mai qui reviendront cet automne après l'été de 1789. Ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. En juin, le 10, incident à Flins, mort de Gilles Totin. Le 14, évacuation de l'Odéon. Le 16, de la Sorbonne. Le 17, reprise du travail chez Renault. Les 23 et 30 juin, victoire écrasante de l'UNR aux législatives. Mais mai 68 ne s'est pas arrêté en juin. Les acteurs du mouvement, consacrés ou non, en dressent maintenant un bilan, précisent ses prolongements, se livre à des interprétations et peut-être à une auto-analyse. C'est une génération, à un moment, qui a senti le besoin de se révolter parce que la société lui proposait un mode de vie... Daniel Cohn-Bendit. ...qui ne lui plaisait pas, et donc elle a essayé d'inventer quelque chose de nouveau. Alors, dans cette invention sociale, eh ben, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du terrible et il y a du très beau. La première limite, elle est évidente, je crois, c'est qu'il n'y avait aucun projet politique... Aucune perspective, aucun programme, aucune préparation. Et puis, il faut bien le dire, aucune organisation de l'époque, de gauche ou d'extrême gauche, candidate au pouvoir. personne ne voulait du pouvoir au niveau institutionnel, je veux dire. Ni le Parti communiste, ni le Parti socialiste de l'époque. L'extrême-gauche, n'en parlons pas, elle était beaucoup trop faible. Et puis elle était implantée chez les étudiants. Les syndicats ne voulaient pas du pouvoir. C'est, je crois, ce que, génialement, De Gaulle a compris. Que, indépendamment de l'importance extraordinaire du soulèvement, il n'y avait pas de candidat au pouvoir, ce qui lui a permis de prendre l'offensive. Donc ça, je crois que c'est bien sûr la très grande faiblesse. C'était une révolte contre toute une série d'aspects de cette société, à la fois son aspect d'exploitation classique, disons économique, mais surtout son aspect oppressif, qui a donné par la suite naissance à ce qu'on va appeler les nouveaux mouvements sociaux. Mais aucune perspective, les gens descendaient dans la rue, le pouvoir aux travailleurs, mais c'était complètement abstrait, je veux dire, c'était une espèce de volonté générale. Bon, la deuxième chose qui est peut-être liée à la première, dans la mesure où c'est un mouvement effectivement qui n'avait été ni préparé ni fécondé par personne, qui a éclaté subitement avec une violence, j'ai l'impression, de même ampleur qu'ont été pendant 10 ans les illusions par rapport à De Gaulle. Il ne faut pas oublier que les 3/4 des gens qui ont dû participer à 68, enfin au niveau adulte en tout cas, avaient vraisemblablement voté De Gaulle pendant 10 ans. Et d'un seul coup, la prise de conscience que De Gaulle n'était pas ce qu'il pensait qu'il était, à mon avis, a donné une force extraordinaire à cette explosion. Mais disons que toutes ces faiblesses ont abouti à une politisation peut-être moins importante, au-delà des mots d'ordre et des slogans qui étaient très politiques, mais une politisation moins importante que ce qu'on aurait pu juger sur le terrain à l'époque. On a des indices, par exemple. Je veux dire, le problème du pouvoir lui-même, en fait, n'a jamais été posé consciemment et de façon précise par les gens. Il y a eu 3 manifestations au moins qui sont déroulées devant le Palais Bourbon qui n'étaient gardées par personne. Personne n'a eu l'idée de rentrer dedans. Et sur le plan politique, je veux dire, la faiblesse relative du projet politique en 68 s'est manifestée par ses conséquences. Je veux dire par là, les grands partis de gauche n'ont pas été ébranlés par ce que moi j'appelle leur trahison en 68. Le Parti communiste n'a pas connu de crise. Et Dieu sait que son rôle n'a pas été fameux. Il y a uniquement maintenant où on voit les fameux rénovateurs remettant en cause leur attitude en 68. À l'époque, il y a eu quoi ? Quelques démissions. Il n'y a pas eu de rupture dans le PC. Il n'y a pas eu de rupture dans la CGT. Le PC s'est même développé après 68. Il y a quelque chose que je ne lâcherai pas. Je veux bien critiquer tout sur 68, sur ce qu'on a été, sur le problème de la violence. Je veux bien aller très loin. Mais si la société française et les gens qui parlent, les intellectuels français, si cette chose n'est pas acceptée, alors là je dis, ça c'est la gueule de bois d'aujourd'hui, que l'anticommunisme dont tout le monde se flatte aujourd'hui, réellement... Si le Parti communiste aujourd'hui, qui avait un déclin avant, mais qui a vraiment perdu ses racines, il a perdu la jeunesse. Il a perdu ses intellectuels et il a perdu sa jeunesse à cette époque. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qu'est la société française aujourd'hui. Il faut bien identifier quel est le véritable acteur social de ce mouvement de mai 68. Et pour l'identifier convenablement, Henri Weber. Il faut d'abord définir précisément ce que c'est que le mouvement de 68. Et le mouvement de mai 68 n'est pas un mouvement hexagonal, ce n'est pas un mouvement franco-français, comme le Front populaire ou la Libération, etc. Le mouvement de 68, c'est d'abord un mouvement international, qui commence en Californie, aux États-Unis, au Japon, qui se poursuit en Europe du Nord, en Allemagne, et qui culmine en 68 dans toute une série de pays, dont la France. Mais c'est d'abord un mouvement international. Et si on le considère dans sa véritable extension internationale, on comprend que le véritable acteur de ce mouvement n'est pas la classe ouvrière traditionnelle ou une nouvelle classe ouvrière, comme certains l'ont cru. Le véritable acteur de ce mouvement, c'est non pas une classe sociale, mais une classe d'âge. C'est la jeunesse, ce sont les adolescents et les post-adolescents, et en particulier le noyau dur de la jeunesse, le noyau organisé de la jeunesse scolarisée, qui a connu un développement formidable. c'est vrai qu'il y a une disponibilité dans certaines situations historiques de la jeunesse à rêver d'un autre monde. Et même si on peut critiquer, si on doit critiquer, ce rêve en soi est légitime et je le défends. Je défends, je donne le droit à la jeunesse de rêver de quelque chose de complètement différent. Si on nie ça, on arrive à des sociétés mortes, où tout est dit, tout est pensé par tout le monde. Même si ça me contredit, moi. Même si je prends des œufs, moi j'ai pris des œufs dans la gueule des jeunes, dans des débats en Allemagne. Je dis pas qu'ils ont raison, mais c'est ça la vie. Et si on devient cucu la praline en disant « Ouh là là, c'est jeune, il faut pas mythifier la jeunesse ». Non, la jeunesse, ça veut dire aussi disponibilité, c'est tout. Ce que j'ai découvert pour ma part dans Mai, ce qui m'a très profondément traversé à l'époque, Alain Gessmar, c'est que les rapports entre les gens, les rapports des gens aux choses, étaient profondément différents de ceux qui perduraient dans une société en déclin. Il y avait des égoïsmes qui sautaient, il y avait la recherche de modes collectifs d'expression directe, de modes d'intervention directe sur les hommes et les choses. Il y avait la recherche d'échanges entre des gens différents, d'échanges directs sans aucune médiation d'appareil politique ou autre. Et c'était une espèce d'utopie qui se réalisait dans la vie et qui donnait à voir un autre système social. Non pas à travers un programme, non pas à travers un texte, non pas à travers une vue de l'esprit, mais à travers la pratique des milliers de gens qui se retrouvaient bon, dans la rue dans un premier temps, oui, mais aussi ensuite bon, sur leur lieu de travail, sur leur lieu d'habitation, dans ce gigantesque foisonnement, dans ces débats au coin des rues. Si la révolution, c'est le passage du gouvernement des hommes à l'administration des choses, disait Marx, il semble qu'il y avait dans la grande aspiration de Mai, là, quelque chose de très profond. Le positif, c'est cette formidable expérience collective, volontariste, de rupture avec le quotidien. Voilà, d'abolir le temps, d'abolir les obligations. Voilà l'expérience merveilleuse, absolument merveilleuse. Rétrospectivement, ceci dit, je crois qu'il y a eu des conneries pathétiques qui ont été dites. Je prendrai uniquement deux slogans, qui étaient CRSSS, et la deuxième, c'était « Il est interdit d'interdire ». Je suis toujours de gauche, je veux dire que ça réfère à la loi, je crois, à la loi contre l'État barbare, donc, si on pense que la barbarie, c'est pas la gauche, et que si on veut la loi qui permet la non-barbarie, alors il y a des interdits. Et il est interdit d'interdire, il a peut-être engendré, comme arrière-petit-fils, Jean-Marie Le Pen. Mais, Paris, mais, Paris. Le casque des pavés ne bouge plus d'un cil. La Seine de nouveau ruisselle d'eau bénite. Le vent a dispersé les cendres de Bendite. Et chacun est rentré chez son automobile. J'ai retrouvé mon pas sur le glabre bitume. Mon pas d'oiseau forçat enchaîné à sa plume. Et piochant l'évasion d'un rossignol titan. Capable d'assurer le sacre du printemps. Mais, Paris, mais, Paris. Ces temps-ci, je l'avoue, j'ai la gorge un peu âcre. Le sacre du printemps sonne comme un massacre. Mais chaque jour qui vient embellira mon gris. Il se peut que je couve un Igor Stravinsky. Paris, mais, Paris. Ce qui a fait la force du mouvement étudiant comme du mouvement ouvrier, c'est que ça a été un mouvement spontané. Un mouvement spontané, et il faut le dire, relativement bref, avec le recul, c'est dire qui a duré pendant un mois. Donc il a été marqué par un peu toutes les idées qui traînaient, toutes les idées qui étaient débattues, et qui venaient effectivement plutôt de ce qu'on appellerait, disons aujourd'hui, la gauche de la gauche. Et je pense aussi d'un mouvement progressiste chrétien, qui dans les années 60 avait joué un rôle important, et où, disons, il y a eu un peu conjonction, on peut dire qu'il y a eu un peu conjonction, disons, de courants, qui était le courant qui provenait des ruptures successives d'avec le Parti communiste, en particulier au niveau du mouvement étudiant, qui était consécutive à l'affaire de Hongrie, qui était consécutive au mouvement avec les Italiens, qui faisait bande à part un peu avec le mouvement communiste international. Donc, conjonction d'un côté, disons, de morceaux qui venaient de morceaux du Parti communiste, avec des variantes diverses, et puis d'un autre morceau qui, lui, venait du courant, qui était plutôt le courant chrétien, le courant chrétien catholique, mais aussi le courant protestant, enfin, puisque le mouvement chrétien des années 60 est marqué justement par un fort regard sur la vie sociale, une transformation de la religion, du rôle de la foi, de l'intervention de l'Église dans la société, une remise en question, là aussi, disons, de l'institution de telle ou telle Église au profit d'un message qui était plus porté sur l'ouverture et sur un contenu. Édouard Balladur. Je crois que les choses ne peuvent pas être les mêmes, plutôt, après ces événements, et que même si l'on trouve qu'un certain nombre de thèmes ou de slogans de mai ont quelque chose de puéril ou d'anachronique, je dirais de facilement anarchiste, du type « la parole doit prendre le pouvoir », où il est interdit d'interdire ce que chacun sait que c'est impossible et qu'il en est bien obligé d'interdire. C'est vrai de la famille à la société et à l'État. Même si tout ça paraît un peu simple, dirais-je, un peu simpliste, il en est résulté quand même un ébranlement très, très profond des sensibilités. Et rien n'est pareil depuis. Et si j'avais à me faire un reproche, je me dirais que j'ai peut-être eu tort de ne pas les prendre suffisamment au sérieux. Il me semblait que c'était tellement irrationnel que ça ne pouvait pas durer. Or, je crois qu'il faut bien comprendre, et l'on ne doit jamais, je crois, s'imaginer que ce qui n'est pas rationnel ne doit pas arriver. Au départ, je pense que toutes les révoltes paraissent irrationnelles. Il était absurde, en 1789, d'imaginer de jeter par terre toute cette société française qui durait depuis 10 siècles. Et puis, elle a été jetée par terre, par la passion. Je crois que c'est ça qu'il faut bien comprendre à propos de ces événements, ne pas les juger d'un point de vue rationnel, ça a été une sorte de bouffée de passion. Je ne crois pas que le travail de mai 68 soit un travail révolutionnaire dans le sens où il visait à substituer à l'ordre social existant le socialisme. Si j'avais à définir le travail de mai sur une longue période, je dirais que c'est fondamentalement un travail de transformation démocratique et libertaire, libérale-libertaire de la société. Démocratique au sens, d'une part, d'une grande poussée égalitaire, contre la discrimination entre les sexes. Il y avait une attitude, moi je maintiens, une attitude violemment antiféministe. Henriette Asseo. Les filles étaient tolérées dans un état de subordination complète. Elles étaient regardées comme les petites mains du mouvement révolutionnaire. C'est-à-dire que ces messieurs écrivaient les tracts, les filles corrigeaient les fautes d'orthographe et les tiraient à la Renéo. Elles avaient le droit de les distribuer, mais bien entendu dans des conditions secondaires par rapport aux hommes. Ça, il y avait, et à la cité universitaire, il sévissait aussi une sorte de machisme inconscient, mais extrêmement frappant. Alors c'est le paradoxe d'ailleurs de mai 68, c'est que l'initiative du mouvement soit née de la volonté de modifier le règlement de la cité universitaire en permettant aux filles de recevoir les garçons dans leur chambre, alors que jusqu'à présent seuls les garçons avaient le droit de recevoir les filles, mais finalement dans des relations humaines qui étaient assez désespérantes. Alors ça tient probablement là aussi à un problème de génération. Il y avait deux sortes de filles à Nanterre. Il y avait les filles de la bourgeoisie. Alors ça, c'était le Shetland, le collier à perles, c'était des créatures de rêve auxquelles rêvaient les militants révolutionnaires. Et puis il y avait les autres, celles qui auraient pu être les petites sœurs, les cousines, les copines, auxquelles ils ne rêvaient pas du tout, avec deux catégories, celles qui couchaient, celles qui ne couchaient pas. Il faut rappeler qu'il n'y avait pas la pilule. Et donc, la catégorie qui couchait était réduite à l'état de boniche, et la catégorie qui couchait pas était pratiquement transparente. Donc voilà en gros la situation des femmes dans l'université française d'avant 68. Le mouvement des femmes, nul en 68. Personne n'en parlait, la libération des femmes. Absolument personne. C'est après Et ça, c'est une des conséquences de 68, qu'on va avoir un mouvement autonome des femmes qui va se développer. De même, le problème de l'immigration, ça va être notamment, il faut le dire, bien avant nous, les maoïstes. Ils vont très mal le poser, ils vont utiliser un peu les immigrés comme masse de manœuvre, avec toute leur théorie que les immigrés étaient à l'avant-garde du prolétariat, etc. Mais je veux dire, le problème de l'immigration, le problème de l'homosexualité, les problèmes de vie quotidienne, comme on dit, de façon large, vont être pris après 68, parce qu'il y a eu toutes ces brèches qui ont été ouvertes pendant le mouvement, même si les gens n'avaient pas toujours conscience. Et même si ça n'a pas donné naissance à des mouvements spécifiques pendant le mouvement lui-même. Il s'en prend à toutes les formes d'exercice autoritaire du pouvoir, dans toutes les institutions, dans la société. Il s'en prend à la forme gaulliste d'exercice du pouvoir, forme charismatique, semi-bonapartiste, plaçant constamment les électeurs français devant le choix, moi ou le chaos, les morigénant, leur parlant un peu comme à des mineurs. Discours politique qu'aujourd'hui on ne supporterait pas, et qu'à l'époque déjà on supportait de moins en moins. Également, mouvement s'en prenant en forme d'exercice autoritaire du pouvoir dans l'entreprise, contre le pouvoir du patronat de droit divin, le paternalisme autoritaire. Mai 68 a changé profondément René Bonetti. L'action syndicale en ce sens que celle-ci pouvant s'exercer librement à l'intérieur de l'entreprise, le syndicalisme n'étant plus contesté dans l'entreprise, les travailleurs n'ont pu trouver des moyens d'expression directe dans l'entreprise. En 1965, M. Georges Villiers, qui était président du Conseil national du patronat français, le M. Périgaud de l'époque, déclarait et écrivait « Nous admettons volontiers les comités d'entreprise, mais nous n'admettons jamais la pénétration de l'action syndicale dans l'entreprise. Il faudrait qu'elle nous soit imposée de force, ce qui n'est heureusement pas encore le cas. » C'était en 1965. Moi, je crois que le mouvement syndical traditionnel, comme les partis traditionnels, toujours avec du retard, ont pris un coup décisif en 68, même si ça ne s'est pas manifesté immédiatement, puisque je répète au contraire, ils ont tous recruté après 68 du fait de la politisation qui est intervenue. Maintenant aujourd'hui, tous les phénomènes auxquels on assiste, comme on dit, de discrédit de la politique, qui pour moi est discrédit de la politique des partis traditionnels, de désyndicalisation massive auxquels on assiste, que moi je regrette, mais enfin auquel on assiste, ça provient en partie, puis après ça a été accumulé par d'autres défaites, finalement de grandes organisations qui sont passées complètement à côté de ce qui fut le plus grand mouvement social, et qui sont passées complètement à côté. Ce qui ne veut pas dire que les militants syndicaux n'ont pas été actifs en 68, ils ont même été très actifs, mais je veux dire, les directions nationales de la gauche syndicale ou politique n'ont pas joué leur rôle du tout. Dans la famille, contre le patriarcat, le pouvoir patriarcal, dans le couple, contre le machisme, dans l'enseignement, dans l'université, contre le pouvoir mandarinal, contre un certain type de relations pédagogiques, au lycée. À l'époque, il y avait un poids énorme sur notre vie de lycéen qui était pas le droit de porter les cheveux longs, port obligatoire de la blouse, pas le droit de se maquiller. Il y avait toute une série comme ça de points d'ordre qui ne servaient qu'à garder une espèce de discipline dans des lycées qui n'étaient pas mixtes. Après mai 68, beaucoup des choses qui étaient normales, acceptées avant, ne devenaient plus possibles, notamment dans les lycées. C'est-à-dire que le changement, là, a été radical. Des discussions permanentes avec les professeurs, une espèce d'ouverture ou de discussions beaucoup plus libres, de conseils qui se sont mis en place. C'est-à-dire que là, il y a eu une incroyable... Alors même, ça a été invraisemblable. Il y avait des assemblées générales permanentes, il y avait des discussions permanentes avec les professeurs, des discussions sur nos propres programmes, sur la façon de faire les leçons. façon de les apprendre, les notations. Un second grand aspect de 68, c'est que c'est une grande poussée hédoniste et épicurienne qui s'en prend à la morale traditionnelle, au puritanisme, à l'ascétisme véhiculé par l'éthique catholique rurale de la France traditionnelle qui vivait en particulier la sexualité sur le mode de la culpabilité, de la dissimulation et de la honte. Bon, c'est la fameuse révolution des mœurs, des valeurs, la révolution sexuelle, le fameux mot d'ordre des situationnistes, vivre sans temps mort, jouir sans entrave, que la jeunesse de l'époque a traduit « il n'y a pas de mal à se faire du bien ». Ça, c'est une deuxième grande dimension qui a également transformé en profondeur la société française. Les seuls qui l'avaient pensé un peu, c'était les situationnistes. Roland Castro. Eux, ils l'avaient pensé. Bon, ils se sont fait totalement avoir par le mouvement dès qu'il a démarré. Ils avaient beau avoir pensé, ils auraient dû ne pas être surpris. Ils n'ont eu d'ailleurs aucune idée pendant le mouvement, sauf l'idée qu'il fallait faire les affiches soi-même ou je ne sais pas quoi. Et... Bon, enfin, ils ont pas du tout embrayé. Ils avaient pourtant pensé. Ils avaient... C'est eux qui racontent le mieux les bleus pourquoi du comment. Et quand la chose se met en place, ils sont inexistants. Plutôt qu'une influence, disons, classique à partir de canaux culturels, médiatiques, etc., je pense qu'on peut parler d'une imprégnation situationniste Pierre-André Taguieff. De l'esprit de mai. Imprégnation qui s'est faite à partir de plusieurs sources, mais qui en général étaient des sources individuelles. Des gens avaient été convaincus par l'analyse situationniste et ces gens colportaient, si vous voulez, dans divers milieux, au sein des trotskistes, des milieux maoïstes, au sein de gens inorganisés, d'associations diverses, quelques idées situationnistes qui sont apparues en mai comme évidentes. Dans les thèmes, la thématique ludique, du ludisme notamment, la notion de jeu passe au premier plan. Vous avez énormément d'exemples qui mettent au premier plan, si vous voulez, les activités ludiques. Il faut jouer par opposition au travail. Mais le travail lui-même doit être conçu comme jeu. Alors vous avez tout un enchaînement, si vous voulez, de formules qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs des formules écrites sur les murs, mais qui passent dans les conversations, dans les tracts, etc., à partir du ludisme. Le deuxième thème n'est pas proprement situationniste, qu'on trouve néanmoins dans le situationnisme, c'est cette espèce de culte de l'imagination, mais lié, si vous voulez, à une activité créatrice. Il s'agit de créer, d'être actif, de créer des situations nouvelles, les situations étant des moments, des ambiances, si vous voulez, construites délibérément en vue d'une maximisation du désir, si vous voulez. Troisième thème, le désir. Créer de nouveaux désirs, par exemple, ou réactiver de vieilles formes désirantes était un des éléments importants que les contestataires 68-arts ont trouvé dans la littérature situationniste. Je crois que ce qu'il y avait de plus spécifique dans l'héritage 68-art, mais ce n'est pas un héritage que l'on trouve dans tous les slogans et dans tous les groupes, c'était quand même une contemption du monde moderne. Une récusation absolue du monde moderne, une espèce de mépris total qu'il y avait vis-à-vis des formes culturelles modernes, des formes politiques. Alors, cela n'a pas été accepté, véritablement. Alors, je ne parle pas évidemment des mouvements maoïstes, des organisations maoïstes, des organisations trotskistes qui pêchaient par esprit de sérieux, hein, qui avaient le cul de plomb, comme dirait Flaubert, et qui prenaient les situationnistes pour des rigolos. Mais même dans les milieux libertaires qui avaient vocation à lire les situationnistes et à procéder à une critique radicale des formes politico-culturelles modernes, eh bien, il y a eu des résistances. Ça a influencé tout le monde, si vous voulez, mais le parti pris de la négation, de la destruction jusqu'aux ruines, pour parler comme Alfred Jarry, cela n'a pas vraiment été accepté. Voilà pourquoi les enragés de Nanterre, qui eux se réclamaient directement autour de René Riesel, des situationnistes, ont été relativement marginalisés. Thank you. bilan du mouvement de mai 68 est éminemment positif. C'est un mouvement qui a transformé cette société en profondeur et qui l'a modernisée en la démocratisant. Pourquoi il y a eu 68 en France ? Serge Julie. Parce qu'il y a une société qui était le Japon du monde. Taux de croissance, c'était le Japon. Et on appelait la France à l'époque, enfin aujourd'hui vu de l'époque, on dirait que c'était le Japon du monde. Taux de croissance le plus fort. Et en même temps, il y avait la société à la fois morale, culturelle, politique, qui était la plus provinciale. Comment était vécu le gaullisme jusqu'à 68 ? 68 exclu. C'est en gros plus ou moins, avec une formidable représentation aussi de langue de bois, qui est en gros c'est fascisant. Une vision du gaullisme, qui était une vision à la fois des institutions, de quel système c'était. Et donc qui a été combattu en tant que tel, comme ça. Malentendu énorme, puisqu'on voit bien, c'est bien que c'était pas ça. Mais il y avait quelque chose qui était un peu d'une nature fermée, étouffante. Cet étouffement a été ressenti, 68, c'est ça. C'est en gros, l'étouffement, ça suffit. Ce qu'a fait mai 68, dans une large mesure, c'est de moderniser, dans ce domaine des mœurs et de la culture, et des relations humaines, mais en démocratisant. Et ce faisant, mai 68 a rendu la société française meilleure. A été à la base, je crois, de la réconciliation de la jeunesse et du salariat avec cette société. Évolution qui a entraîné, vers la fin des années 70, l'effondrement de la culture révolutionnaire, c'est-à-dire d'une certaine représentation de la société et du changement social. Mai 68 à quelques leaders. Bon, et ça, je crois que c'est très dangereux, parce qu'heureusement, mai 68, c'était pas quelques leaders. Y compris parfois des leaders qui n'ont rien fait. Mais rien du tout. Je veux dire, moi, je veux pas jouer au vieux combattant, en plus, j'ai horreur de ça, surtout ceux qui font plus rien, mais ceux qui aujourd'hui, pour défendre leur salade, utilisent leur titre d'ancien combattant, je veux dire, moi, Bernard-Henri Lévy, Glucksmann, je n'ai aucun souvenir de leur activité en mai 68. Ils ont dû y participer comme tout le monde, mais rien. Enfin bon, là aussi, il y a une supercherie historique. Mais enfin, bon. Bernard-Henri Lévy. Je n'étais pas dans la rue pour tout un tas de raisons. Je suis resté effectivement dans ma chambre et je le dis, bon, sans complaisance et sans non plus fausse pudeur. Et ça pour un tas de raisons. Bon, d'abord parce que j'avais le sentiment, comme ça sur l'événement, que contrairement à ce qu'on nous disait et ce dont on nous rebattait les oreilles, qu'il ne se passait à peu près rien de nouveau en 68. Et j'étais comme ça plus ou moins indigné par tout ce qu'on pouvait dire sur la libération du désir, sur ce qu'on pouvait dire, les murs ont la parole et ainsi de suite. Je n'ai jamais eu le sentiment, pendant les événements de mai 68, que quelque chose de neuf, d'important, etc. se passait. J'avais le sentiment comme ça, bon, parce que j'avais la tête un peu farcie d'histoire, que 68 c'était plutôt la dernière des grandes révoltes de rue comme ça du 19e et puis bon du 20e siècle, et que ça n'était en rien l'avènement d'un âge nouveau, la première révolution de type nouveau et ainsi de suite. Donc il y avait cette première raison-là. Et puis il y avait une autre raison qui était plus forte, je crois encore, c'est que, bon, et ça c'est resté jusqu'à maintenant, c'est que j'étais à l'époque, comme je suis toujours, donc pessimiste comme ça sur le destin des choses, destin de l'histoire, etc., et que je ne voyais pas ce qui pouvait sortir de 68, et je ne croyais pas à cette espèce d'escatologie optimiste, libératrice, etc., dont on nous parlait à l'époque. C'est-à-dire, je ne croyais pas, en gros, si vous voulez, au modèle révolutionnaire dont 68 était la dernière incarnation. Je ne croyais pas que quelque chose comme ce qui se passait à ce moment-là pouvait signifier une révolution au sens comme ça, où on croyait, où on continue de croire aujourd'hui. J'ai été constamment omnubilé par les gens de la gauche prolétarienne qui sont devenus mes amis depuis, je pense à Lardreau, Jambet et quelques autres. Donc il y avait à la fois cette fascination extrême. Donc à la limite, si vous voulez, ça aurait pu ne pas exclure une activité de militant, mais il y avait surtout ce pessimisme sur ce qui se passait et l'idée que la révolution avec un grand R, ça ne passait pas par une libération du désir ou ça ne passait pas par une libération de la parole, qu'il n'y avait pas de libération du désir ou de la parole pensable et qu'en tout cas c'était sûrement pas ce à quoi on assistait à l'époque. Je pense effectivement que je n'ai pas été beaucoup plus marqué par mai 68 que je n'étais marqué par la guerre d'Algérie, contrairement à Jean-Paul Dolé par exemple ou d'autres, ou Françoise Lévy. Mais mai 68 c'est aussi également très loin pour moi. Si à travers 68 ce qu'on visait c'était, comme disaient les maoïstes de l'époque, casser en deux l'histoire du monde ou changer l'homme en ce qu'il a de plus profond ou changer la vie comme dit Rimbaud et ainsi de suite, c'était effectivement insensé. parce que, bon, rien de tel ne s'annonçait, rien de tel ne pouvait sortir de 68. Cela dit, c'était en même temps trop sensé, parce que je pense en même temps qu'un projet révolutionnaire, et je pense ça dans, après Lardrou et Jambet, dont L'Ange a été pour moi la publication de L'Ange, un événement important, je pense après Lardrou et Jambet qu'en même temps, la seule manière de concevoir la révolution, c'est de la concevoir effectivement comme quelque chose de totalement insensé, ce que n'était pas assez mai 68. Des gens comme Glucksmann ou bien d'autres qui se sont dit leaders en mai 68, mais moi je ne sais pas où, eh bien, ont beaucoup concouru, tous les nouveaux philosophes ont concouru à l'éradication du discours de mai. En s'en disant les héritiers, mais ceci dit les héritiers critiques. Mais moi, je vois dans le mouvement de mai 68 quelque chose de beaucoup plus important, dans la volonté d'exprimer sous une forme radicale le refus des conformismes moraux, sociaux et politiques. Après l'été de 1789, ça ira, ça ira. Ça ira, ça ira, ça ira. Il n'y a pas de héros de mai. Il n'y a pas de héros. Le seul héros de mai, il est collectif. Ça, c'est très important. Je crois qu'il n'y a pas de personnage important en mai. Et c'est un espèce de travail collectif qui se fait. Ça, je crois que tant qu'on n'a pas saisi ça, on ne peut pas commencer à comprendre ce qu'est mai. Hein. Moi, je ne comprends pas très bien ce que c'est. Mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que personne là-dedans n'imprime sa marque. Hein. C'est la marque, c'est une marque collective. Collective, collective, collective, collective, collective, collective. C'était Chronique de mai, une série de Dominique Chagnelot. Aujourd'hui, 7e et dernière émission, Le Reflux. Groupe de réalisation, Anna Sibert, Arlette Adrian, Claude Niort. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 9 août 1988. Mais il n'y eut pas, en 1968, que les événements de mai, juin n'étant pas chroniqué dans la série de Dominique Chagnelot. Il y eut aussi le printemps de Prague, suivi du mois d'août à Prague. Et tel sera le sujet de notre prochain rendez-vous. Les années 60, document INA Annie Lozana, réalisation Virginie Mourtet, une émission de Philippe Garbi. À suivre, et d'ici là à télécharger, ainsi que les précédents rendez-vous de la série, sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.